Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton. Question 119. De la prodigalité. Notion de la prodigalité. Elle est un péché. On la compare à l'avarice. 1. La prodigalité est-elle l'opposé de l'avarice? L'avare, qui aime les richesses plus qu'il ne devrait, pêche par excès, et le prodigue, qui n'en a pas le soin qu'il devrait, pêche par défaut. De plus, celui-ci donne avec excès, et celui-là ne donne pas. La prodigalité est donc opposée à l'avarice, et parce qu'elle donne trop, et parce qu'elle n'a pas soin de garder ou d'acquérir. Note. La libéralité tient le milieu entre ces deux excès. Fin de la note. 2. La prodigalité est-elle un péché? L'enfant prodigue est blâmé dans l'Évangile pour sa prodigalité. Luc 16. La prodigalité est opposée à l'avarice comme l'excès est opposé au défaut. Or la libéralité, qui tient le milieu entre ces deux extrémités, est également détruite par l'une et par l'autre, donc la prodigalité est un péché. Note. Quand saint Paul écrivait à Timothée, prescrivez aux riches de ce siècle de donner avec facilité et de faire part de leurs biens. 1 Timothée 6, 17. Il entendait que les riches devaient agir d'une manière conforme à la raison, ce que ne fait pas la prodigalité, qui donne à des histrions et à des adulateurs, sans rien offrir aux gens de bien. Il n'en est pas de même des fidèles, qui sacrifient leurs biens afin de suivre Jésus-Christ, ceux-ci sont des hommes d'une libéralité parfaite. Fin de la note. 3. La prodigalité est-elle un péché plus grave que l'avarice? Trois raisons démontrent que l'avarice est en elle-même un plus grand péché que la prodigalité. La première, c'est qu'elle s'éloigne de la libéralité plus que la prodigalité, car la libéralité a pour action principale, non d'acquérir ou de retenir comme l'avarice, mais de donner, ce en quoi précisément excède le prodigue. La seconde raison est que l'avarice n'est utile à personne, pas même à l'avare, tandis que la prodigalité tourne du moins au bien de quelques personnes. La troisième, c'est que l'on guérit beaucoup plus aisément de la prodigalité que de l'avarice. Note. Quand nous parlons des vices en général, nous les jugeons d'après leur idée propre et distinctive. Un prodigue qui dissiperait ses richesses par intempérance serait plus coupable que l'avare qui garde son argent. Markendanarchive.org 2020. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.